les sens effacés. À peine la cloche a sonné, la cour se vide en un éclair. Les enfants sortent en trombe, sans un regard pour l'air. Les abeilles butinent dans un balai si fin, mais les yeux sont baissés sur les écrans sans fin. Sur le chemin du retour, les fleurs offrent leurs couleurs, mais les regards sont absents, perdus dans un ailleurs. Les bourdons font leur ronde, et le ciel est si bleu. Pourtant, le monde virtuel qui attire tous leurs vœux. Et les cours, autrefois si joyeux, sont remplacés par des juifs et des jeux silencieux. Les abeilles travailleuses continuent leur mission, ignorées par les enfants en pleine absorption. En pleine absorption. Regardez autour de vous, voudrait crier le vent. La nature est un trésor, bien plus qu'un écran brillant. Mais les oreilles sont fermées à la musique des fleurs. Seuls comptent les likes, les scores et les amateurs vainqueurs. Ah. Peut-être un enfant lèvera les yeux et verra qu'une abeille c'est bien plus merveilleux. Que derrière chaque pixel se cache un monde réel, où chaque fleur et chaque insecte est une œuvre éternelle. Dans un monde connecté où l'info ne dort jamais, on voit les yeux éteints par les écrans hypnotisés. La jeunesse se perd dans un flot de données, oubliant le goût de lire, de rêver et de créer. Oubliant de rêver. Les adultes ne sont pas épargnés par cette vague numérique. Métro, bureau, foyer, les smartphones sont les rois. On parle moins, on touche moins, on se rencontre à peine. Dans le silence des doigts qui défilent sur les écrans. Des instants, mais sans vraiment les vivre, capturés par les likes pour les souvenirs. La technologie, outil fabuleux, devient une cage dorée où l'on oublie de se lever pour simplement regarder. Alors, chantons pour l'espoir d'un équilibre retrouvé où la technologie aide sans jamais aliéner. Que les enfants et les grands redécouvrent le plaisir de la vie sans filtre où l'on peut encore s'éblouir.